ne vous enivrez pas de vin, faites de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Esprit descend sur nous, Esprit descend sur nous, Esprit descend sur nous, Esprit descend sur nous, comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous, comme au jour de la Pentecôte, Esprit descend sur nous. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, ainsi dit l'Éternel. Esprit agit en nous, oh. Esprit agit en nous. Esprit agit en nous. Esprit agit en nous. Eh bien, comme au jour de la Pentecôte. Esprit agit en nous. Comme au jour de la Pentecôte, oh. Esprit agit en nous. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Otoko yemba toko bina. Alléluia, alléluia. Toko bina toko kumisa Messia. Alléluia, yemba alléluia. Bueno, bueno, bueno. Usifiwe Bwana, kila siku kumaisha yangu. Buzubuhi Baba, uchana mangaribi. Uko Bwana, hakuna mwingine kama wewe, Bwana Yesu, jemadari wangu, mkombozi wangu. Za kusifu namna gani, kwani huko yote, nguzo ya maisha yangu, kimbilio langu, ekimelonanga, eyana butu, eyana moi, yenakobanga elokote. Alleluia na Yesu, Alleluia na Messia, Alleluia na Kristo, abongina lokumu nyoso, molongo mobimba, likolo pelase, akumisa.